Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots. Je suis Théotim et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Marine. Bonjour. Héloïse. Bonjour. Et Anissa. Bonjour. Mais ce n'est pas tout, nous sommes également en compagnie de Mélodie Gornet, autrice de trois ouvrages dont Citron, son dernier en date paru chez Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio, nous avons été intrigués par votre plume. Dans cette émission, nous parlerons donc de vous, Mélodie, sans grande surprise. Nous avons aussi prévu quelques animations divertissantes et, évidemment, nous parlerons de vos ouvrages qui nous ont beaucoup intrigués et intéressés, comme beaucoup d'autres l'ont été. Pour commencer donc, Anissa, pourrais-tu éclairer nos auditeurs sur la personne qu'est notre invitée de ce jour ? Bien sûr, pas de souci. Alors, pour commencer, Mélodie, vous êtes née dans les Vosges. Vous avez écrit durant votre enfance. Mais comment vous avez découvert votre intérêt pour la lecture ? J'avais beaucoup de livres à la maison, c'est vraiment quelque chose qu'on m'offrait assez régulièrement, j'étais assez timide, assez réservée, donc la lecture, dès que j'ai eu des livres, c'était un peu mon passe-temps préféré. Super ça. Et du coup, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Et si oui, est-ce que vous vous entendez bien avec eux? Oui, j'ai trois petites sœurs, et je m'entends bien avec elles, j'espère qu'elles vont écouter cette émission. On espère tous, oui. Et après le bac, donc vous avez fait des études en psychologie, ensuite vous vous êtes dirigée vers l'éducation. Vous avez fait de l'animation dans des colonies de vacances, car vous n'aimez pas tenir en place et vous consacrez à votre passion, les voyages. Mais quand vous avez commencé à écrire et à être publié, comment votre famille a réagi ? Alors, ils m'ont dit que j'étais une petite cachotière, parce qu'ils ne savaient pas plus que ça que j'écrivais. En tout cas, je ne leur en parlais pas beaucoup. La première fois qu'ils ont vraiment été au courant, j'avais participé au concours du Crous quand j'étais en quatrième année de fac, en master. Et j'avais gagné le concours du Crous, la première place nationale, etc. Donc là, j'ai un peu été obligée d'avouer que j'avais écrit une nouvelle. Et ensuite, j'ai rien dit jusqu'à la publication de mon premier roman en 2013, où là aussi, on m'a dit « petite cachotière quand même ». Donc c'est bien resté secret, oui. Oui. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'ils lisent vos livres ? Oui, ils les lisent. Oh bah. Vous avez été publié chez Thierry Magnier, mais est-ce que ça a été dur de se faire publier chez eux ? Alors moi j'ai eu de la chance, j'avais repéré la collection pour ados de Thierry Magnier, elle me plaisait beaucoup, en fait j'avais repéré parce que j'avais lu des livres qu'une amie avait dans son corpus de mémoire, et c'est comme ça que je me suis dit cette collection me plaît pas mal, le dernier roman que j'ai écrit pourrait un peu rentrer dedans, donc j'ai juste envoyé un manuscrit à Thierry Magnier. À l'époque j'essayais de faire publier mon tout premier roman de science-fiction, je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition, un peu SF, un peu tout ça. Ça n'a pas été très concluant, et Thierry Magnier, du coup, j'ai eu une réponse. Voilà, donc coup de bol, un petit peu. Premier livre, première réponse. Mm-hmm. Quand vous écrivez, c'est quoi vos habitudes ? Est-ce que vous écrivez à des heures fixes ou quand vous en avez envie ? J'ai pas d'habitude du tout. J'écris vraiment pas à des heures fixes, je fonctionne pas du tout avec un emploi du temps, avec tout ça, donc j'écris et quand j'ai envie. Un peu comme j'ai envie, là, en ce moment, le projet sur lequel je suis, dont je parlerai peut-être plus tard, mais en gros... Quand ça me vient. J'ai pas de... Parfois pas du tout pendant deux semaines, parfois tous les jours pendant deux semaines. Donc du coup, c'est plus sur papier ? Non. Non. Sur ordinateur, sur téléphone aussi, un petit peu en ce moment. Quand vous commencez une histoire, vous connaissez déjà la fin ou vous improvisez ? En général, j'ai une assez bonne idée de la fin. En tout cas, la direction que je veux prendre, je connais le point A, je connais le point B, je sais à peu près où je veux aller. Mais je fais pas mal de détours, beaucoup de détours. Vous avez un compte Instagram aussi, où vous donnez plein de conseils, comme comment écrire et des conseils de lecture. Comment vous gérez tout ça avec vos publications et votre compte ? Je prends un peu ça au jour le jour, comme ça vient. Là, ces quatre derniers mois, mon compte Instagram, c'était une de mes priorités, parce que j'ai retrouvé beaucoup de temps libre, parce que j'ai plus mon travail de l'an dernier qui me prenait beaucoup de temps. Donc je peux le consacrer à ce qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'en ce moment, tout ce qui se fait sur Instagram, sur ce qu'on appelle le bookstagram, les critiques littéraires sur Instagram, etc., ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'étais ado et jeune adulte, parce que c'était pas... quand on aimait la littérature, on trouvait pas facilement des gens avec qui en discuter. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais pas facilement des gens avec qui en discuter. Et du coup, je me retrouve dans les gens qui sont sur bookstagram et qui peuvent en discuter facilement. Donc là, en ce moment, j'y passe pas mal de temps. J'essaie de publier presque tous les jours, mais c'est aussi parce qu'à côté, j'ai pas énormément d'obligations. C'est vrai que c'est différent par rapport à votre génération et notre génération. Oui, même si elles sont pas si éloignées. Oui, elles sont pas éloignées. C'est... Si vous voulez plus d'informations sur ces conseils ou d'autres, n'hésitez pas à faire un tour sur son compte Instagram. Et enfin, vous aimez les voyages, donc quelle destination recommandez-vous ? C'est hyper difficile de recommander une destination. Oui. Pour moi, ça dépend vraiment de ce qu'on va rechercher dans ce voyage, etc. Moi, j'ai vraiment commencé à voyager qu'en Europe, très petit budget, avec du stop, avec du couchsurfing, donc dormir chez l'habitant, avec le premier billet de bus ou d'avion que je voyais qui était pas cher, etc. Donc c'était vraiment de l'opportunisme, j'avais pas vraiment de plan. Et aussi avec les gens qui voulaient bien partir avec moi et en fonction de leur destination à eux. Donc j'ai pas trop de recommandations, si ce n'est que je trouve plus intéressant, enfin en tout cas moi j'ai trouvé plus intéressant de partir pas forcément très loin, mais d'être dans une optique de découverte et dans une optique de se laisser surprendre aussi. Merci Anissa pour cette présentation de notre chère autrice et merci à vous Mélodie de nous avoir répondu. Il est maintenant l'heure de faire le petit jeu de Marine. Oui, alors je vous ai préparé une petite animation autour de répliques de films. Alors par exemple, si je vous dis la première règle du 1-1-1, c'est qu'il est interdit de parler du 1-1-1. La seconde règle du 1-1-1, c'est qu'il est interdit de parler du 1-1-1. Et la troisième règle du 1-1-1, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. Alors vous me dites... Fight Club. Fight Club. On l'avait pas du tout préparé en plus juste avant. Donc c'est parti. Alors pour le premier livre à découvrir, je vous propose « Tout se mange dans cette pièce, même moi, mais ça, ça serait du cannibalisme et c'est très mal vu par la société. » Ça me dit quelque chose, mais... Oui, moi aussi. Pas de Toy Story 3. Non. Alors, une deuxième réplique peut-être un peu plus simple. La cascade, elle, est très importante. Elle mélange le chocolat, le rend léger et mousseux. Ah. Soit dit en passant, aucune autre fabrique ne mélange ce chocolat de la même manière. Charlie la chocolaterie. Oui, c'est ça. Donc Charlie la chocolaterie, c'est un livre de Roald Dahl qui est paru en 1964 et son adaptation la plus connue est celle de Tim Burton de 2005. Alors ensuite, on va partir pour une autre œuvre. Tu ne vas pas mourir, je te l'interdis, d'accord ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Rien du tout ? Alors là, non, pas du tout. Bon, j'avoue, est un peu compliqué. Plus simple, peut-être. Tu veux voir ce que je t'ai apporté ? C'est un gémeau-cœur. Et tant que tu le gardes sur toi, rien de mal ne pourra t'arriver, je te le promets. C'est Hunger Games. C'est Hunger Games, en effet. La fameuse saga de Suzanne Collins, dont le premier tome est paru en 2008. L'adaptation, elle, est signée Gary Ross et date de 2012. Allez, encore deux petits. Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard. Ni en avance, d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. C'est la communauté de l'anneau. Oui. Et je te remercie, Mélodie, parce que je n'ai pas à faire, à faire Gollum juste après, parce que c'était la dernière réplique. Donc c'est une des plus grosses sagas qui est parue en 1954, et donc l'auteur est le mythique J.R.R. Tolkien. Et il en a eu le droit à de sublimes adaptations de 2001 à 2003, réalisées par Peter Jackson. Enfin, pour finir, revenons dans un classique. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Alice au Pays des Merveilles ? Non. Ah. Non, non. Pas d'idée ? Non. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. C'est Cyrano de Bergerac ? C'est ça. Ah. C'est bien les mots de notre cher Cyrano de Bergerac, interprété par Gérard Depardieu en 1990 et écrit bien plus tôt dans le livre éponyme d'Edmond Rostand de 1897. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère que cela vous a plu, ainsi qu'à nos chers auditeurs. Merci Marine pour ton petit blind test. Tu es douée pour trouver des jeux amusants à faire. Je vous propose une petite pause musicale avant que nous reprenions avec Anissa qui va nous parler de votre premier roman, Mélodie. Nous vous laissons donc avec Everything Matters de Aurora en collaboration avec Pomme. I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you're traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. Machine, a cinematic dream, so pure, and it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, you're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part. I'm watching the storm Littérature, cinéma, sport, musique, Fadjet. Laissez-vous surprendre. C'est plus qu'une radio. Vous êtes bien sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots, toujours en compagnie de l'autrice Mélodie Gornet. Nous continuons maintenant avec Anissa, qui va nous parler du premier roman de notre autrice. Très bien, alors votre premier roman, Tout revive, est un livre paru en 2015. C'est un young adulte sur le deuil, publié dans la maison d'édition Thierry Manier. Avant de continuer, pourrais-tu, Marine, nous rappeler ce qu'est un livre young adulte ? Avec plaisir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la littérature young adulte, c'est un concept éditorial importé des pays anglo-saxons qui se définit avant tout par l'âge de sa cible, généralement entre 12 et 30 ans, et qui ne se limite pas dans un genre littéraire particulier. Le succès de cette littérature repose sur une forte identification des lecteurs avec les héros, sur le traitement des problématiques assez fortes et qui correspondent aux préoccupations du public qui est en pleine transition vers l'âge adulte. Ce sont souvent des ouvrages qui font l'objet d'adaptations cinématographiques, et on peut citer Nos étoiles contraires de John Green ou encore Hunger Games de Suzanne Collins. Merci Marine. Anissa, tu peux nous en dire plus sur cet ouvrage donc ? Eh bien, dans cette histoire, on a trois points de vue différents. Celui de Sophie, la nièce de Sophie qui est décédée dans un accident, et les deux enfants de Sophie, le plus jeune Mathis et le plus vieux Jordan, qui doivent aller vivre chez leur père et sa nouvelle famille. Mais Mathis et Jordan n'arrivent pas à s'entendre avec cette nouvelle famille. Ainsi, on commence par la voix de Solvig qui raconte le début avec l'accident et les funérailles. Solvig est de retour d'Irlande après la mort de sa grand-mère qu'elle adorait. Elle est toujours accompagnée par son meilleur ami, Victor. Ils se connaissent depuis toujours. Ensuite, c'est au tour de Mathis, un enfant silencieux et fragile. Mathis, dû à la mort soudaine de sa mère, a un traumatisme. Il commence à avoir peur de certains objets. Enfin, c'est la voix de Jordan, un garçon plein de rage et de colère. C'est un garçon solitaire. Au début, tout ce qu'il fait, c'est déverser sa colère sur tout le monde. Et la littérature a un impact dans sa vie. La littérature classique en France, c'est un passage obligatoire durant notre scolarité. Mélodie, est-ce que c'est pour ça que vous avez utilisé des classiques dans votre ouvrage ? Alors j'ai utilisé ce classique-là parce que, donc je ne dis pas lequel, mais c'est un que j'ai découvert assez tard et qui m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué et du coup, même si c'est un passage obligatoire dans notre scolarité, ceux que dont j'ai le plus apprécié la lecture, c'était pas forcément au collège ou au lycée. En tout cas, celui-là, je l'avais pas vu au collège ou au lycée, contrairement à beaucoup de gens avec qui je discute. Pour essayer de surmonter ce deuil, Solveig, avec l'aide de Victor, décide d'inviter Mathis et Jordan pour rénover la maison de sa grand-mère décédée. Après avoir fini ce livre, je me suis demandé pourquoi sur ce thème ? Pourquoi faire le deuil pour un premier livre ? Alors du coup, c'est amusant parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et c'est pas du tout l'impression que j'avais en écrivant ce livre. Et vraiment, une fois qu'il est sorti et que tout le monde m'a dit « Vous avez écrit un livre sur le deuil, pourquoi avez-vous écrit un livre sur le deuil ?» C'est qu'après, avec le recul, que je me suis dit « Ah oui, oui, effectivement, tiens, c'est un livre sur le deuil. » Moi, j'avais vraiment envie de raconter une histoire de plus de rencontres, enfin, la rencontre entre Mathis, Jordan et Solveig, moi, c'était vraiment ça que j'avais l'impression de raconter, ce qui n'est pas incompatible du coup avec le fait que ça parlait d'un deuil, mais c'était vraiment ça mon point de départ. Je vous le conseille, c'est un roman prenant avec une plume accrocheuse. Deuil, tristesse, famille, harcèlement, violence et espoir, et aussi renouveau. C'est un roman sensible et en équilibre. Chers éditeurs, allez tout de suite en librairie pour vous procurer Tout revive de Mélodie Gornet au prix de 12,90 chez Thierry Manier. Merci Anissa pour ton retour sur cet ouvrage. Je propose que nous continuions de découvrir votre travail avec Héloïse sur votre deuxième livre publié. Avec plaisir. Les filles du Nord est un roman pour adolescents publié en 2019 chez Thierry Manier. Il est conseillé aux jeunes dès 13 ans. C'est donc l'histoire d'une jeune fille, Madison, qui, brisée par un profond chagrin d'amour, décide de changer d'air. Mais c'est pas un petit changement d'air. Elle part du foyer familial pour poursuivre ses études à l'étranger, plus précisément à Édimbourg en Écosse. Madison, ou Mad pour les intimes, est un personnage silencieux et sombre qui s'efforce de se reconstruire sans affecter les autres. Elle est persuadée, ou plutôt, elle veut se persuader qu'elle est capable de se réparer seule. Recroquevillée sur elle-même, elle joue très régulièrement au jeu de cartes, la patience. D'ailleurs, ce monde intérieur est montré dans le livre avec ce double espace, cette double temporalité qui est très bien amenée. Il donne plus de profondeur, de caractère et d'intérêt, autant au personnage qu'à la forme du texte. Mélodie, dans votre roman, vous utilisez les cartes comme moyen d'accès à son monde intérieur. C'est assez atypique comme objet, et je me demandais comment vous en aviez eu l'idée. Est-ce que c'est Madison qui est venue avec son jeu de cartes dans la poche quand vous imaginiez son histoire ? Alors, c'est un peu la convergence de plusieurs idées différentes. J'aimais bien l'idée d'écrire sous forme de métaphore vraiment filée ce monde intérieur, parce que j'aime bien m'exprimer en métaphore, j'aime bien faire des analogies, et je trouvais que c'était assez parlant, en fait. Donc ça, c'est une des idées que ça m'est venu un peu de là. J'avais lu peu de temps avant un roman qui est aussi chez Thierry Magnier, qui s'appelle « Une fille comme ça », et dans lequel on suit l'histoire d'une jeune fille. On a un peu, en début de chapitre, ces moments où elle se voit en train de flotter dans de l'eau, et l'état de la mer, des vagues, etc., reflète vraiment son état d'esprit. J'aimais bien cette idée, j'avais envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Et les cartes, en fait, j'ai écrit « Les filles du Nord » pendant que j'étais en voyage en Éthiopie, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties de patience, parce que c'était un peu le yams et les patiences ont été les deux jeux phares de ce voyage. Du coup, ça m'a pas mal inspiré pour représenter ça comme ça. Et c'est vrai que entre les séances d'écriture, en faisant des parties, c'était assez agréable du coup pour imaginer la suite. D'accord, moi je suis plutôt ramie, mais la patience, pourquoi pas un jour. Donc lorsque Madison arrive à Édimbourg, elle rencontre immédiatement Fern. C'est un personnage féminin, débordant de vie, de spontanéité et qui a soif de découverte. Et son colocataire, Arbor, une armoire à glace qui est pleine de douceur et de secrets. Madison va donc se greffer à cet étonnant duo et va emménager avec eux. Fern, c'est un peu le type de personnage que l'on rêve de rencontrer lorsqu'on est perdu. Mélodie, est-ce que vous avez rencontré votre Fern du monde réel ? Alors c'est amusant comme question. Fern est très inspirée de la colocataire que j'avais quand je vivais en Écosse, alors pas à Édimbourg, je vivais à Dundee. Et j'avais une colocataire qui était débordante de vie et de pétiment, dont je me suis jamais beaucoup rapprochée. On discutait régulièrement, mais on n'est jamais devenu aussi proche que Madison et Fern. Ce qui est drôle, c'est qu'un ami à moi avait rencontré cette jeune fille, et quand il a lu le manuscrit des Filles du Nord, il l'a reconnue immédiatement. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est grâce à Fern que l'on va découvrir Édimbourg, donc la capitale d'Écosse, qui est une ville entre époque médiévale et époque moderne. On va manger des petits déjeuners, on va passer des soirées dans des bars, on va se balader dans les rues, on va peut-être visiter les vaults, et surtout, on va vivre la brume de l'Écosse. J'ai vraiment aimé votre façon de nous faire découvrir la ville. C'est une description dynamique et qui ne s'appesantit pas sur le moindre détail. On va à l'essentiel et on nous donne les clés pour imaginer le reste. Mélodie, est-ce que vous vous êtes, du coup, déjà rendue à Édimbourg ? Alors oui, du coup, j'ai vécu à Édimbourg pendant 6 mois après mon master. J'avais déjà vécu en Écosse, j'ai fait un Erasmus là-bas pendant ma 3e année de fac, et donc, comme je disais, je vivais à Dundee. J'avais visité Édimbourg quelques fois, mais sans plus, sans y passer trop de temps. Et je suis allée y vivre, du coup, 6 mois où je travaillais dans un pub à la cuisine. On sent un peu, chers auditeurs, lisez, ouais. Vous aurez des clins d'œil. Donc j'ai l'habitude un peu des romans pour jeunes, mais plutôt dans d'autres univers, plus imaginaires. Mais c'était mon premier réel roman young adulte et j'ai vraiment adoré. On est face à une histoire plutôt classique, mais vous, Mélodie, avez une patte assez particulière. Il y a cette fraîcheur dans l'écriture, notamment dans la manière dont les personnages interagissent et évoluent, mais aussi dans la manière de traiter ces sujets que sont l'amour, la dépression, la douleur, la reconstruction. Il y a aussi un soin particulier à porter aux personnages, à leur vécu, à leur personnalité, à leur réaction. Et je crois que c'est ça que j'ai le plus aimé, c'est cette manière dont Madison reste fidèle à elle-même et à ses chaînes qui la retiennent. Elle évolue, bien sûr, mais elle est constamment sur la retenue et la modération. Je trouve ça particulièrement juste de votre part de ne pas être tombée dans la facilité des personnages en retrait qui deviennent brusquement ouverts. Je recommande donc à 100% Les Filles du Nord de Mélodie Gornet, publié chez Thierry Magnier. Merci Héloïse. Nous vous laissons, chers auditeurs, avec The Girls from the North de Lions pour une pause musicale. If you're traveling down to the North Country Fair, the wind sit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. Once was a true love of mine. If you're going down to a snowflake storm, the rivers freeze and the summer's end. Vous êtes bien sur Radio Fadjet dans l'émission des livres et des mots en compagnie de l'autrice Mélodie Gornet. Pour continuer notre émission, je vous propose une petite activité, le livre que tu. Nous vous avons envoyé, Mélodie, une liste de situations pour connaître les livres que vous choisissez pour chacune d'elles. Nous avons aussi joué le jeu et nous allons vous présenter notre sélection. Donc pour commencer, le livre à lire devant un feu de cheminée. Donc moi je répondrai n'importe quelle Agatha Christie. C'est vraiment une autrice que j'adore, sans réserve. Je trouve qu'elle a compris tous les codes, qu'elle joue avec, qu'elle sait nous surprendre, qu'elle sait... Enfin voilà, c'est... Quand je lis un de ses livres, j'ai très envie de prendre le thé avec elle et de pouvoir en discuter en même temps. Le dernier que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'était « Le miroir se brisa ». Et il y a aussi « Le crime de l'Orient Express » que je pourrais relire en boucle. Un grand classique. Pour ma part, ce serait plutôt la mythologie viking de Neil Gaiman aux éditions Pocket. Il est aussi l'auteur de American Gods, pour ceux qui connaissent. Ce livre regroupe un grand nombre de contes sur l'histoire de la mythologie viking, donc, avec Thor, Odin, Loki et bien d'autres dieux. Voilà pourquoi il est bon de se trouver près d'un feu de cheminée pour nous réchauffer en lisant ces contes des légendes nordiques. Pour continuer, le livre a emporté pour une semaine de vacances, Mélodie. Alors j'ai répondu Mortimer de Terry Pratchett, donc c'est le quatrième tome de la saga Les Annales du Disque Monde. Et l'histoire de Mortimer, c'est la mort décide de prendre un apprenti. Il s'appelle Mortimer et donc la mort lui apprend le métier. Et quand je suis partie en vacances en Finlande, en fait, j'avais pris qu'un livre dans mon sac, ce qui est une situation assez inédite. D'habitude, je prends trop de livres et cette fois-ci, je me suis dit, je vais pas avoir le temps de lire. Il s'est avéré que si, donc j'ai lu Mortimer 3 fois de suite parce que j'avais que ce livre. Et j'ai aucun regret, même 3 fois de suite, il se déguste, il est génial. D'accord. Et Anissa ? Pour ma part, ça serait Vilaine, La beauté n'est toujours pas belle à voir, de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon. En fait, c'est l'histoire d'Isabelle, une des demi-sœurs de Cendrillon, après que Cendrillon s'est mariée avec le prince. D'accord. Ensuite, le livre à conseiller, Mélodie. Alors j'ai répondu L'appel de la forêt de Jack London. C'est un livre que je conseille à tout le monde en ce moment parce que je l'ai redécouvert l'an dernier. Il est facile à lire, il avait été édité aux éditions Pocket Jeunesse un peu, quand moi j'étais plus petite. Mais je trouve qu'il est très ambitieux au niveau de l'écriture, il est très déstabilisant. La fin, quand je l'ai lu, donc quand j'étais peut-être en CM2 je crois, la fin m'avait complètement déstabilisée, je m'attendais pas à ça du tout. Et c'est pour ça que je le conseille à tout le monde. D'accord. Et Héloïse ? Alors, moi, il est aussi dans ma bibliothèque, donc je m'empresserai quand j'entrerai de lire L'Appel de la forêt. Quant à moi, celui que je trouve fantastique et que je conseillerai, c'est La Tresse, le premier roman de Laetitia Colombani. C'est un petit livre qui a été une bombe dans ma vie et je le conseille dès que je le peux. En fait, c'est l'histoire de 3 femmes aux 4 coins du monde. Leurs destins vont se croiser d'une manière ou d'une autre. Et en fait, elles doivent affronter chacune à leur niveau de grandes difficultés, dont la condition féminine et humaine. Et ce roman, c'est vraiment une ode à la force et à l'espoir. Je considère que c'est un livre essentiel à mettre dans toutes les mains des 14-15 ans. Le livre à lire et à relire. Alors moi, je conseille... celui que je lis et que je relis, c'est la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb. Parce qu'elle est tellement complexe et bien construite, à chaque fois que je la relis, je découvre quelque chose de nouveau. D'ailleurs là, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, mais je me suis retrouvé le tome 1 qui attend pas très loin de mon bureau. Marine ? J'ai choisi Recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green. Sous ce pseudonyme se cachent 2 femmes qui écrivent ensemble pour la maison d'édition Addictive. C'est l'histoire de Ada, une jeune femme qui a arrêté de l'appartement familial situé à Dublin et qui décide, 15 ans après son départ brusque de la ville, de le remettre en vente. Pour ce faire, elle va devoir y faire des travaux et c'est Brody Gallagher, un architecte, qui va l'aider dans cette mission. Ce logement va rapidement devenir un lieu de convergence entre de nombreuses personnes. Je suis rarement passée du rire aux larmes aussi vite que dans ce livre. C'est touchant, poignant, drôle et bouleversant. J'aime le lire et le relire pour repartir dans ce voyage autant géographique que sentimental. Pour continuer, le livre qui nous fait pleurer, Mélodie. Alors j'ai répondu L'œil du loup de Daniel Pennac, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce livre. Je ne saurais plus dire ce qu'il raconte, je me rappelle juste qu'il était hyper émouvant. Et il est très court aussi. Pour moi, ce serait Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne Dauphine Julien aux éditions J'ai lu. Ce livre biographique raconte comment l'autrice découvre que sa petite fille est atteinte d'une maladie dégénérative qui la condamne. C'est le combat des parents et de leur famille pour garder la tête hors de l'eau et profiter des derniers instants qu'il reste à leur fille. Ce livre est très fort en émotion et il m'a tout simplement détruit. Mais il est également très beau et je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir tout ce que j'ai ressenti en le lisant. Le livre pour toutes les situations. Alors, j'ai choisi La vie sans principe de Henri David Thoreau. Je l'ai lu qu'une fois, mais la personne qui me l'a mis dans les mains savait exactement pourquoi j'avais besoin de le lire. Et c'était il y a longtemps, mais je pense que je devrais le relire plus souvent. Et qui devrait être lu souvent. Très bien. Héloïse ? Moi, le bouquin en qui je fais aveuglément confiance, c'est Cœur d'encre de Cornelia Funke. C'est l'un de mes premiers coups de cœur littéraires, en réalité. Et Cœur d'encre, c'est aussi le premier tome donc, de la trilogie. Cœur d'encre, sang d'encre et meurt d'encre. C'est l'histoire d'une jeune fille et de son père qui ont un pouvoir assez particulier. Lorsqu'ils lisent un livre à haute voix, certains personnages en sortent. Et si cette histoire vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez vu le film du même nom. Il est d'ailleurs bon, mais clairement pas aussi bon que le livre. Le livre que vous comptez lire le plus tôt possible, Mélodie. Alors cette question tombe bien, j'ai pris dans mon sac « Rien ne nous survivra » de Maya Mazorette, qu'on connaît plus sur ses travaux vraiment féministes et de vulgarisation, il me semble, dernièrement, mais c'est un livre young adult. Je crois que c'est une société dans laquelle les adolescents abattent tous les adultes. Il n'y a plus que des adolescents. Il faut que je le lise parce que je vais voir ma sœur ce week-end et que j'aimerais bien lui rendre. D'accord, ça a l'air plutôt violent comme livre, plutôt intriguant. Pour ma part, ce serait Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones chez Innis Éditions. Ce livre a inspiré le merveilleux film du studio Ghibli, Le Château ambulant de Hayao Miyazaki. C'est clairement mon film préféré que je regarde encore aujourd'hui depuis mon plus jeune âge et je n'ai découvert ce livre qu'assez récemment. Il me tarde de le commencer. On accompagne une jeune femme qui se fait ensorceler par une sorcière qui va la rendre vieille soudainement. Elle s'exile pour trouver un moyen de briser le sortilège et va tomber sur le fabuleux château ambulant du magicien Hurle. Une folle aventure commence alors pour elle. Ensuite, le livre qui nous fait voyager dans le temps. Alors celui qui m'a fait voyager dans le temps dernièrement s'appelle Radium Girls de Si. Donc c'est une bande dessinée, ça se lit très très vite. Et ça parle d'un élément historique pas très connu, c'était le combat d'ouvrières américaines dans les années 1910, 20, 30 aux États-Unis. Elles travaillaient dans une usine de montres au cadran phosphorescent et on leur demandait en fait de lisser leur pinceau avec les lèvres avant d'appliquer la peinture. Elles se sont empoisonnées au radium comme ça pendant plusieurs années. Et il y a eu un combat juridique, enfin il y a eu des attaques en justice pour essayer de faire prendre les responsabilités à l'usine. C'était hyper intéressant et en plus le dessin, l'ambiance de la BD nous ramène vraiment dans cette époque-là. Je le conseille, il se lit très très vite, il est super. D'accord. Marine ? J'ai décidé de vous parler du roman de Héloïse Gay de Bélissen, le roman de Boda, publié chez Fayard. Il n'y a pas mieux pour voyager que ce soit géographiquement ou temporellement. On part direction l'Amérique des années 90 et on se retrouve au centre du groupe de rock mythique Nirvana. Cet ouvrage est le journal intime de Boda, le meilleur ami fictif de Kurt Cobain, le chanteur du groupe. On voyage avec eux et c'est un très bon moyen de revivre des moments exceptionnels. Je suis une grande fan de ce groupe et rien de tel que de repartir sur le plateau du concert de Unplugged de 1994 pour que j'oublie où je me trouve. Si vous voulez repartir quelques décennies en arrière, ce livre est fait pour vous. Le livre que vous auriez aimé écrire. Alors c'est, j'ai répondu Le jeu de la mort de David Almond. C'est pas que j'aurais aimé l'écrire, mais plutôt c'est vraiment un livre qui représentait la façon dont moi je veux écrire et que je place comme mes objectifs d'écriture. C'est un de mes livres préférés. Ça se passe dans une petite ville du nord de l'Angleterre et c'est l'histoire de jeunes qui jouent dans les anciens conduits, des anciennes mines, etc. Ils jouent au jeu de la mort. J'en dis pas beaucoup plus, mais il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de disparitions, il y a des histoires de neige, et c'est vraiment une ambiance que moi j'ai envie de retranscrire dans ce que j'écris. D'accord. Héloïse ? Il y en a plusieurs, mais le premier pour lequel je me suis dit « Ah, j'aurais voulu l'écrire », c'est « La saga Oxapolok ». C'est un livre écrit à quatre mains par Anne Plichota et Sandrine Wolfe. Et c'est l'histoire de la destinée d'une jeune fille, Oxa, qui se retrouve à devoir gérer ses pouvoirs magiques, une explosion de révélations dans sa famille et de nombreux conflits. C'est une importante référence pour moi. Et oui, j'aurais aimé écrire cette série. Le livre que vous auriez aimé découvrir comme au premier jour. Ah, c'est Hunger Games de Suzanne Collins. J'avais dévoré la trilogie, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu du mal à décrocher d'un livre, à le poser pour aller manger. Et du coup, c'est génial de se sentir aussi aspiré. Donc celui-là, j'aimerais bien le relire avec la même innocence qu'au début. Anissa ? Pour moi, on va rester dans l'univers Cendrillon avec Cendrillon 2.0 d'Ashley Poston aux éditions Lumen. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'histoire c'est l'histoire de Cendrillon moderne avec Ellie, qui est une fangirl d'une série, et l'acteur Darien, qui joue le rôle principal de cette même série. Ça donne des idées de futures lectures, j'en ai noté quelques-unes d'ailleurs. Je vous propose qu'on parle de votre dernier livre, Mélodie, Citron, ce livre étonnant dont la couverture attire tout de suite l'œil. Marine, tu as bien apprécié cet ouvrage, tu veux bien nous en parler ? Oui, tout à fait. J'ai repéré ce livre sur table lors du Festival international de géographie. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés avec Mélodie. Dès que je suis rentrée, j'ai commencé à dévorer cet ouvrage. C'est donc votre troisième et dernier livre, Citron, paru en 2021. Pour ceux qui ont écouté notre première édition, vous avez déjà entendu ce titre. Je vous propose donc une petite piqûre de rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre, je vous propose de découvrir cette pépite. Citron est un livre young adult qui casse les codes et est ciblé pour les adolescents et les jeunes adultes. Pour être très honnête, j'ai dû m'y reprendre deux fois pour vraiment rentrer dans l'ouvrage. À ma première lecture, je m'attendais trop à retrouver un modèle classique de romance, et j'ai dû recommencer pour reprendre avec un regard plus neutre. Il est conseillé aux plus de 15 ans, car certaines scènes sont assez explicites et ne conviennent pas au jeune public. Avant de commencer à présenter votre roman, je me suis demandé comment on écrivait, en tant qu'auteur jeunesse, des romans sur la sexualité avec des scènes explicites. Est-ce qu'on se limite, on se censure, ou on écrit et on réajuste après, ou peut-être que finalement, on n'ajuste rien ? Alors, entre la première version et la version qui est éditée, il y a eu énormément de retravail, même si ce qu'on a le plus retouché, c'était pas du tout les scènes explicites, finalement. Étant donné que c'est pour de la jeunesse, moi, je me mets un... Alors, il n'y a pas, et c'est vraiment ce qui est important dans la collection L'Ardeur, c'est qu'il n'y a pas des directives précises aux auteurs, il n'y a pas des consignes à suivre, il y a beaucoup de liberté et de confiance, finalement, qui est laissée aux auteurs. Ce qui est tellement appréciable, enfin, tellement génial, que j'admire beaucoup de la part de l'éditrice. Et en fait, moi, ma limite que je me mets, c'est plus que comme ça va être lu par des jeunes, pour moi, il faut que ce soit clair et explicite quand il y a quelque chose qui dépasse les limites, quand il y a une situation problématique. Donc par exemple, je vais donner un petit exemple qui est un tout petit spoil. Lana, à un moment, se considère mal parce qu'elle est encore vierge et qu'elle envisage des relations avec un personnage et elle en discute avec un autre où elle lui explique que... peut-être qu'elle va être mal considérée pour cette raison. Et pour moi, c'était important à ce moment-là qu'il y ait un autre personnage qui vienne contrebalancer cette idée, qui vienne vraiment déconstruire cette idée de la valeur acquise par l'expérience sexuelle au final, qui est assez présente dans beaucoup de médias. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important dans une... vu que c'est adressé aux jeunes. C'est d'adresser les situations problématiques, de mettre un peu de recul, de mettre un peu de contrebalancer un petit peu. Très bien. Alors pour l'histoire, on reste en France. On va suivre Lana, une jeune fille qui ne se retrouve pas dans la société actuelle. Je trouve qu'il y a un passage dans le livre qui reflète bien son état d'esprit, donc je me suis permis de le partager ici. Page 45, on peut lire. J'aimerais que ce soit aussi facile de lui dire ce qui m'obsède, qu'il y ait un mot pour les personnes comme moi, que je puisse juste lui lâcher, et il n'aurait rien d'autre à expliquer. Cette idée qu'on va retrouver tout le long du roman. La langue française est riche, mais il n'existe pas encore de mots pour la définir, elle. À travers ces 236 pages, on la suit et on découvre son évolution dans sa recherche d'elle-même, de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas. Concernant le titre, Citron, cela fait référence à un élément central dans le livre que je trouve génial. L'héroïne se sert d'internet pour discuter et rencontrer des inconnus. Pour pouvoir les cerner assez rapidement, elle leur pose une question. Si tu étais une glace, qu'est-ce que tu serais ? C'est une question assez étrange, il faut l'avouer, mais cela relève d'une réflexion bien menée. Si les personnes répondent des choses classiques telles que vanille ou chocolat, Lana coupe la conversation. S'ils répondent des choses plus originales, cela attise sa curiosité. Elle établit un lien entre les réponses et les préférences sexuelles des personnes. Cette notion de sexualité vanille est bien connue des lecteurs de romances. Cela désigne dans la culture un comportement sexuel conventionnel. Lana est une personne en marge de la société et elle l'est aussi sur ce plan. Elle cherche donc des personnes comme elle. Elle ne se retrouve plus dans les histoires d'amour de ses amis ni des gens de sa classe. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de cette problématique et de l'approche avec les glaces. Alors c'est un peu... Déjà, tout ce que vous avez dit par rapport à la sexualité vanille, etc., la notion de vanille, il y avait aussi l'idée où je savais que j'allais écrire Lana et qu'un de ses passe-temps serait de lire des Lemon Fiction. Donc c'est les les fanfictions ou les fictions un petit peu acidulées, un petit peu épicées comme ça. Et j'aimais bien aussi l'idée qu'elle ait un genre de filtre pour décider avec qui elle allait parler et qu'elle pose une question un peu déroutante. Je sais plus exactement comment je me suis dit tiens, je vais partir sur cette question des glaces. Mais je trouve ça assez amusant aussi parce qu'il y a... Alors, j'adore les glaces. J'aime pas la glace au citron. C'est pas du tout mon truc. Mais il y a tellement de parfums de glace. Je pourrais parler pendant des heures. Alors, peut-être pas, mais... Je pourrais parler assez longtemps avec les gens de leurs parfums de glace préférés. En fait, je trouve ça super cool. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est très versatile. On va pouvoir le mettre, on va pouvoir l'exploiter. Il y a aussi, du coup, le symbolisme de la glace qui est un peu... qui peut être un petit peu érotisé. Enfin, voilà. Je trouvais que ça... Il y avait beaucoup de choses à exploiter avec ça, donc je me suis dit, banco, c'est parti. Eh bien, ça fonctionne très très bien. Alors, ce livre s'inscrit dans une collection particulière chez Thierry Magnier, vous l'avez dit, L'Ardeur. Elle a pour slogan « Lire, oser, fantasmer ». Thierry Magnier est une maison qui défend la littérature courageuse, qui s'intéresse à l'adolescence telle qu'elle est, avec ses zones d'ombre, ses excès et ses émotions exacerbées. Il est donc logique qu'elle évoque le changement du corps, la découverte de soi et la découverte de la vie sexuelle. Elle publie donc des textes qui parlent de sexualité, de désir et de fantasme. Elles se démarquent par leur catalogue qui est plus osé et plus multiple dans les choix. On y retrouve donc 8 ouvrages pour l'instant, tous avec des couvertures magnifiques, de corps, surplombées de textes en couleur flash. Les romans sont puissants et se remarquent facilement. Mais attention, rien à voir avec les couvertures de romances classiques. Les couvertures sont de belles photos artistiques, on est aux antipodes des clichés trouvables sur certains titres. La collection permet à un public, en quête de découverte, un endroit sûr pour se poser des questions et découvrir tous les aspects de la sexualité. On retrouve donc des textes sur la découverte du corps, sur la domination, sur les relations à plusieurs, l'homosexualité, la bisexualité ou encore sur le handicap. Le but est de casser les stéréotypes et les idées reçues. Mélodie, comment vous êtes arrivée à publier un livre dans cette collection ? Est-ce que vous avez déjà un manuscrit et ça a correspondu à cette collection ? Ou est-ce que c'est spécifiquement quand vous avez rencontré cette collection, vous êtes dit « il faut que je mette ma patte dedans ». Alors, c'est la deuxième solution. En fait, avant le lancement de cette collection, Charline Vanderport, qui est éditrice chez Thierry Magnier, nous a envoyé à certains des auteurs déjà publiés chez Thierry Magnier un manifeste dans lequel elle expliquait le projet, les grandes orientations du projet et ce que ça pouvait éventuellement devenir. Et c'était une invitation aussi, cette lettre, ce manifeste. Et en le lisant, je me suis dit, je veux faire partie de ce projet. C'était tellement génial à lire, en fait. C'était tellement rafraîchissant, c'était tellement ambitieux. Le fait de sortir des codes horribles et franchement très, très peu intéressants de la pornographie, mais de sortir aussi du côté suréducatif et surpédagogique. Moi, tous les livres que j'ai lus quand j'étais adolescente et qui parlaient de sexualité... ça parlait aussi du sida ou ça parlait aussi de grossesse adolescente, qui sont des thèmes hyper importants et dont il faut parler, mais qui sont pas les, mais qui engrangeaient un peu l'idée que sexualité égale maladie ou enfant immédiatement. Il n'y avait pas cette idée de fun, cette idée d'aventure, cette idée aussi qu'il y avait un besoin de sécurité et qu'il y avait tout ça. Donc vraiment, le traiter comme un élément d'aventure dans des romans jeunesse, j'ai trouvé ça génial et j'avais vraiment envie de participer. Là, je me suis dit, je veux participer. Donc, je l'ai écrit 6 mois plus tard, à peu près, en ayant ce manifeste en tête. Eh ben, on a bien eu de la chance, parce que c'est un livre exceptionnel. Donc, je vous conseille fortement cette collection, et encore plus Citron, un livre qui casse tous les codes de la romance classique et qui a un vrai plaisir à lire. À la fois rafraîchissant et acidulé, tout en nous donnant quelques coups de chaud. Il faut donc que vous filiez au plus vite chez votre libraire le plus proche afin de vous procurer Citron de Mélodie Gornet. Il est paru chez Thierry Magnier et est au prix de 14,99€. Merci Marine. J'ai également lu votre ouvrage pour l'occasion et je dois dire qu'il était très intéressant. Comme vous l'avez dit, Mélodie et Marine, il aborde la sexualité d'une manière libérée et il incite forcément à se poser les bonnes questions concernant ce sujet encore souvent tabou. Sans transition, Héloïse nous a préparé une autre activité, un blind test façon qui est-ce ? Exactement. D'ailleurs, ça, pour certaines devinettes, j'ai des anecdotes, mais laissez-moi juste finir mes devinettes avant de vous jeter sur les réponses. J'espère que vous êtes prêts. Alors, la première. Je suis une série de livres de jeunesse fantasy créés par l'écrivain J.C. Lewis. Je suis un classique de la littérature anglo-saxonne et je suis l'œuvre la plus connue de mon auteur. J'ai été publiée de 1950 à 1956. J'ai été adaptée au cinéma en 3 opus. C'est l'histoire d'enfants qui sont envoyés chez la famille pendant la guerre et qui s'échappent de leur quotidien dans un monde imaginaire. Il y a un animal qui parle, des créatures fabuleuses, une reine glaciale. Qui suis-je ? Narnia. Exactement. Et pour la petite anecdote, comme les films Star Wars, les tomes de la série Le Monde de Narnia n'ont pas été publiés dans l'ordre chronologique. On a d'abord eu le 2, le 4, le 5, le 6, le 3, le 1 et enfin le 7. La deuxième. Je suis devenue des livres, mais au départ j'étais une bouteille jetée à la mer. À l'heure où les lettres d'amour sont remplacées par des photos, Morgane Hortin décide de recueillir les SMS privés d'anonymes volontaires. Ce concept a donné naissance à un compte Instagram, puis plus tard à la publication de 2 livres en 2018 et 2019. Et à une web-série aussi Arte en 2020. Certains sont longs, tandis que d'autres sont courts. Parfois il y a des réponses, des messages distribués ou lus. Amour, sensualité, voire érotisme, silence, voire ignorance, rire ou pleurs. C'est toujours sensible et poétique. Qui suis-je ? C'est Amour solitaire. Non, Amour solitaire. C'est ça. Je suis un auteur à la plume particulière et je destine mes œuvres aux jeunes adultes car je parle de sujets difficiles tels que la maladie, le rejet, la mort, etc. Je suis un auteur très connu qui a obtenu sa renommée grâce à un de ses best-sellers publié en 2012. Ce titre dont je tairai le nom a été numéro 1 des meilleures ventes au New York Times en 2012 et a été adapté au cinéma en 2014. J'ai fait pleurer beaucoup de monde avec mon histoire d'amour impossible à cause de la maladie. 3 autres de mes livres ont été adaptés en film et en série. Qui suis-je ? Je dirais John Green. Exactement. Yes. Pour la petite histoire, d'autres de ces livres ont censé être adaptés. Par exemple, Caché de Margot a failli ne jamais sortir au cinéma. Ensuite, je suis une série de 6 romans fantastiques écrits par Anson Riggs en 2011. Je suis un succès en librairie. J'ai obtenu des prix tels que le Grand Prix de l'imaginaire des romans jeunesse en 2015. J'ai une adaptation en bande dessinée et une adaptation au cinéma en 2016 par Tim Burton. Le merveilleux, le monstrueux et les enfants sont les ingrédients de cette série phénomène. Qui suis-je ? C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Eh bien non, non, c'est une blague. Exactement. Et pour la petite histoire, c'est un tellement grand phénomène qu'il a campé 63 livres pour enfants. On arrive bientôt à la fin, gardez vos oreilles ouvertes. Je suis anglaise, maman de 3 enfants et divorcée. Pendant 25 ans, j'ai été mère d'accueil pour les enfants. Ce sont ces enfants et leur parcours qui m'ont donné envie d'écrire, de raconter leurs histoires et de ne pas laisser ces vies dans l'ombre et le silence. Mon premier roman s'appelle Violentée et s'est vendu à des milliers d'exemplaires en France. J'ai publié 10 de témoignages dont Maman dit que c'est ma faute, Ne dis rien ou encore La petite princesse de papa. Attention, enfin brisée, violentée physiquement et mentalement. J'ai aussi publié des trucs. C'est une auteure que je voulais absolument placer, c'est Cathy Glass. Et je trouve que c'est une auteure essentielle, même si finalement je serais incapable de lire un seul de ses ouvrages, parce que j'en serais complètement détruite. Mais je pense que c'est important de parler de ses enfants et de leur vécu. Je crois que j'ai lu un de ses livres, je suis pas sûre, et je m'en rappelais plus de son nom. Mais en fait, ses témoignages sont bouleversants, et c'est d'une plume sublime. Il m'en reste 2. Alors, l'avant-dernier. Je suis un roman de Bérangère Cournut, publié en 2020 chez La Tripode. J'ai eu le prix roman Fnac en 2019. Mon auteure est française et a publié 10 d'ouvrages. Je suis l'histoire d'une jeune Inuite qui se retrouve séparée de sa famille en plein désert polaire. Elle va devoir survivre dans des conditions extrêmes, mais cette aventure va la faire grandir et devenir femme. Je suis une belle invitation poétique au voyage de la vie. Qui suis-je ? Est-ce que c'est Homo sapiens ? Non. D'autres idées ? Alors là, je sais pas du tout. Moi non plus, j'ai pas d'idée. C'est de Pierre Edos. Et je l'ai pas lu, mais je compte le lire. C'est une amie qui m'a donné l'idée. Et il a l'air incroyable, ce livre. Dernière anecdote, ouvrez grand vos oreilles. Et attention, ça va crier. Alors, je suis une auteure. J'ai fait des livres pour enfants et des romans pour adultes. J'explore les facettes sombres de la société. J'ai écrit « Pas de pitié pour les baskets »,« Boys, boys, boys » ou encore « Comme une bête ». Comme Mélodie Gornet, j'ai participé au FIC 2021. Mon prénom signifie « joie » en anglais. L'année dernière, j'ai publié un ouvrage sur le sujet des hôpitaux psychiatriques. Il s'appelle « À la folie, qui suis-je ?» Joy Sormand. Oui, exactement. Et pour information, l'IUT Charlemagne donne l'opportunité de faire sur un sujet d'actualité. Joy Sormand est l'invité de la conférence Enfermement et maladie mentale, les paradoxes de la psychiatrie, le 9 mars 2022. Merci Héloïse. Je pense que je vais devoir revoir mes classiques. Je vous propose une dernière pause musicale avec Dice de Leoniden. I'm sorry that I threw the dice right in the trash. Too scared of being out of luck again. I'm sorry now. I know I'm bending all the truth a bit too far. I'm scared that I deserve your love. À Nancy sur 94.2. Vous êtes bien sur Radio Fadjet dans notre émission des livres et des mots. Nous sommes toujours en compagnie de l'autrice Mélodie Gornet ainsi que mes consoeurs Marine, Héloïse et Anissa pour cette dernière partie de l'émission. Marine, tu voulais nous parler de l'actualité du young adult? Oui, en effet. Je vais vous parler de deux titres que j'attends avec impatience de lire et un que j'ai déjà commencé à découvrir. Certains sont déjà en librairie et d'autres ne vont pas tarder. Je vais déjà vous parler du préquel de Nous les menteurs, Family of Liars, de Hill Oakward, qui paraît en mars 2022 en anglais. Il va falloir attendre encore en France pour la voir, mais c'est une sortie qui est très attendue. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman d'origine, Nous les menteurs, c'est un roman qui parle de Cadence Sinclair, une jeune fille de 17 ans qui souffre de migraines et d'amnésie depuis 2 ans. En compagnie de ses cousins et d'un ami, elle refait le monde et profite de ses vacances. Mais lorsqu'elle pose des questions sur l'accident qui a altéré sa mémoire, les réponses sont des mensonges ou des silences. Mais peu à peu, ses souvenirs vont revenir. C'est un excellent ouvrage avec du suspense et des thèmes forts comme l'amour ou l'amitié. Je ne peux pas vous en dire plus car j'aurais bien trop peur de vous gâcher la lecture de ce roman. Dans le préquel, on ramène les lecteurs dans un autre été, avec une autre génération et des secrets qui l'entreront pendant des décennies. On va donc repartir avec les générations plus anciennes de la famille Sinclair, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien hâte de le lire. On se retrouve un peu dans une ambiance mystérieuse, j'ai l'impression. Ça me plaît bien. Tu as d'autres petites choses? Oui, alors je vais parler d'un auteur qui est bien connu autour de la table. Je vais parler du petit dernier de John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène, chronique sensible des choses humaines, qui est paru le 27 janvier dernier. J'ai déjà pu m'y plonger et je peux vous dire qu'encore une fois, c'est une vraie réussite. C'est son 8e roman et il prend la forme d'un recueil de nouvelles de 44 textes courts qui explorent l'impact des hommes sur la Terre et sa biodiversité. Il est publié chez Gallimard et est conseillé à partir de 12 ans. C'est un auteur à succès qui n'a que rarement déçu ses lecteurs. Il est connu pour Nos étoiles contraires, que j'ai cité récemment et qui est adapté en film, ou encore Qui es-tu Alaska, aussi adapté mais cette fois-ci en série. Dans cet ouvrage, l'auteur américain ne se cache plus derrière un narrateur omniscient et un langage codé comme il dit. À travers une longue introduction, il nous explique pourquoi il a écrit cette œuvre et en quoi elle est importante pour lui. C'est une des rares fois que je lis cette partie avec autant d'attention. John Green nous parle à cœur ouvert et c'est déstabilisant. Il nous parle de sa maladie, de ses soucis psychologiques, de son ressenti sur sa vie et sur sa notoriété. J'ai aussi beaucoup aimé les petites notes en bas de page sur la page de copyright et celle du faux titre. On a vraiment l'impression d'avoir entre les mains le journal intime de l'écrivain. Toutes ces nouvelles ont déjà été diffusées lors de la diffusion de podcasts que John Green tenait avec son frère. Et c'est lors d'un repos forcé qu'il pense à les mettre en ordre. Je vais me dépêcher de finir ces 360 pages car j'ai bien envie de continuer cette réflexion sur l'impact de l'homme. Je ne me suis jamais essayé aux nouvelles et ce recueil intime m'a l'air tout à fait intéressant. En effet. Enfin, un autre titre qui est très attendu. L'auteur de Et ils meurent tous les deux à la fin, Adam Silvera, va publier chez Robert Laffont le 27 février prochain son 5e livre, Plus heureux que jamais. On va partir dans le Bronx, dans un monde où il est possible de jouer avec la mémoire, et alors qu'il doit surmonter le deuil de son père, le destin du héros va se retrouver mêlé avec un jeune homme dont il va s'éprendre. Cependant, là où il habite, l'homophobie est courante. Il va donc demander à un certain institut, l'Institut Letello, de lui effacer la mémoire pour le rendre plus conforme. Je pense qu'on va beaucoup entendre parler de ce livre dans les mois qui vont suivre. Merci Marine, voilà une bonne liste de livres à aller chercher en librairie dès leur sortie. J'ai moi-même quelques questions à vous poser, Mélodie, concernant cette fois-ci votre actualité. Avez-vous un nouveau projet d'écriture ? Alors je suis en train d'écrire un roman qui j'espère pourrait être le 4e, du coup, à mon rythme, très lentement, mais sûrement. D'accord. Vous pouvez pas trop nous en dire plus, je suppose ? Je suis très superstitieuse et j'ai l'impression que plus je vais en dire et plus je vais avoir du mal à le terminer. Du coup, je suis désolée, mais d'accord. Pour l'instant, je ne dis rien. Pas de souci. Savez-vous si vous continuerez de publier chez Thierry Magnier ? Moi, j'adore cette maison d'édition, l'ambiance de travail, la collection Grand Roman, la collection L'Ardeur. Donc pour l'instant, ce serait un grand oui. Ouais, j'aimerais beaucoup. D'accord. Et avez-vous des événements de prévu où nos auditeurs pourraient vous retrouver ? Des salons ou... Alors, pas à ma connaissance pour l'instant, mais n'hésitez pas à venir interagir avec moi sur mon compte Instagram parce que je réponds à tous les messages et que, voilà, j'aime beaucoup. C'est le meilleur moyen de rentrer en contact avec moi aujourd'hui, je pense. D'accord. Et est-ce que vous songez à organiser un nouvel événement justement sur votre compte Instagram ? Je rappelle votre pseudo Mélodie Gornet, M-E-L-O-D-Y-G-O-R-N-E-T, tout attaché. Alors oui, là, il y a des petites surprises qui viennent pour le mois de février. Pareil, j'ai pas envie d'en dire trop pour l'instant parce que je gère toute seule et je procrastine un petit peu et qu'il y a des choses qui dépendent pas de moi aussi. Donc pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça devrait bouger un petit peu dans le mois qui vient et oui, avec des nouveautés. Ça nous tient en haleine. Donc merci Mélodie pour vos réponses. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je remercie également Marine, Héloïse et Anissa d'avoir animé l'émission à mes côtés. Et surtout, je remercie Mélodie Gornet d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Nous en profitons également pour remercier Radio Fadjet qui offre l'occasion de DUT Métiers du Livre de l'IUT Nancy Charlemagne de réaliser des émissions de radio chaque année. Nous remercions aussi l'IUT Nancy Charlemagne de nous donner l'opportunité de réaliser de tels projets. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.